facile de construire des enfants solides que de réparer des hommes brisés, Noyé dans ma haine, je veux abattre tout ce qui m'entoure. Je fais de la merde, nique le système, tous mes problèmes je les contourne. Je veux faire du fric, sauf que le shit ne rapporte plus. Mais qu'est-ce que tu parles de vendre des frites, la coupe, les armes, ça m'apporte plus. Mais plus en plus gourmand, je vois des schmitts à chaque tournant. Dans ma parano et mes tourments, à balles de coke, je sens que tout monte. Je contrôle plus rien, j'ai juste envie de tout démonter. Poussez-vous et restez loin, c'est en moi que le démon est. Une fois pris dans l'engrenage, rares sont ceux qui s'en sortent. Beaucoup marchent sur une grenade ici, tous veulent que tu sautes. La confiance n'existe plus, tu veux des potes, tu les achètes. Même l'amour, ça n'existe plus, Cupid en meurt dans sa cachette. Et seul n'est pas mon genre, j'ai mon calibre et mon genre. Faire son réseau c'est tout un art. Je suis parti, je suis un renard, mentalement en retard. Je crois que j'ai rien compris maintenant que mon sang coule sur le trottoir. Je vote pour ma mort, rien compris. Tu doutes de tes qualités, mais c'est pas de devenir quelqu'un d'autre. Arrête de jouer un rôle et essaie d'être ta propre personne. Je conçois que la vie ne soit pas très drôle, mais mon pote faut que tu te raisonnes. À force de te calquer sur des films, tu fais ta vie un court trajet. Apprends vite, le temps défile, notre passage n'est qu'un court trajet. Tragique n'est-ce pas, tout dépend de ton point de vue. Si tu te noies dans le désespoir, normal que tu sois déçu. Ne reste pas dans ton monde et ouvre bien grand ton esprit. Quand la solitude t'inonde, tu t'étouffes même quand tu respires. Et toi t'espères. Tout est facile, mais ouvre les yeux, t'es constamment sous acide. Tous les jours tu voles des vieux, et c'est même pas pour t'en sortir, c'est pour avoir ta dose. Essaye d'y repenser à l'avenir avant de finir comme un tados. Assume ta vie, et c'est ce qui fera de toi un homme. Je parle à l'échelle de l'être humain, je ne résume pas, garçon-fille. Tous égaux devant la mort dans une tombe qui a tort. Tordu de rire, j'écris cette phrase, trop de conscience me dépasse. Trop. Je comprends que tu te sentes mal, mais parfois être perdu, c'est ce dont on a besoin. Ne pas connaître ta direction ne signifie pas que tu n'en as pas. Dépasse tes barrières, regarde comme le monde est barré. Tous le regard en arrière, et toi tu te plains d'être à l'arrêt. Allez, arrête de comater, prends la vie comme elle vient. Si t'as des blessures à colmater, pense à tout ce qui peut te mettre bien. Regarde là-bas au loin, tous ces gens qui eux n'ont rien, en or à fond le peu qu'ils ont, car eux savent qui ils sont. Ouais, trouve ça tu normal qu'ils frôlent plus souvent la mort que l'amour. Et pourtant ils se donnent du mal pour faire tout bien au jour le jour. Pendant que toi t'es là à négocier pour une stella, certains ont une calage sous le bras, le bruit des balles pour un P3. Pour du pétrole ou un toit, du pétrole à nous un doigt. Je vois un grand écart de fou et que dans la haine tout le monde se défoule. Mais perdu dans le mensonge, personne n'entend les vrais messages. Le sens de la vie nous échappe, on est en meurtre, voilà l'étape. Et entre temps, y'a quoi? Y'a toi qui fais tes choix. Comprends-toi et crois en toi. Va de l'avant, le passé te hantera. Allez, va. N'oublie pas, la création de soi est un travail constant. À chaque instant, c'est toi qui décides qui tu es et ce que tu es. Et ce travail dépend en grande partie des choix qui sont les tiens à l'égard des êtres et des choses qui te passionnent. Bon, je vais mettre les valves. Tout un tas de choses à régler, j'ai horreur de courir. C'est en prenant le temps qu'on en gagne.